Elle s'appelle comment? Marie. Marie-Lue. Marie-Lue, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Aide-la, aide-la. Lève-toi, Marie-Noël. Lève-toi, dépose-la ici doucement, doucement. Papa, recule-toi parce qu'elle est fatiguée là, doucement. Tu vas pouvoir la lever. Papa, aide, aide, arrête, lève là-bas. Voilà. Maintenant, elle s'assoit là-bas, doucement. Enlève. Il faut qu'elle mette le dos là-bas, elle s'assoit. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse. Donne-lui un de son verre d'eau là-bas, elle boit. Donne-lui. Voilà.